Cours numéro 16. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fi al-dars al-sabiq, dans le dars précédent, on a étudié ensemble la deuxième shubha et la réfutation. Fama hiya hadihi shubha, on récapitule bisoura avant de partir à la troisième. الشبهة ما هي لا دوزيام تفضل انهم يقولون هذه الايات هي لاصنام نزلت في الاصنام نزلت او نزلت في من يعبد الاصنام نعم ونحن ندعو الصالحين نعم فكيف جعلتم الاصنام كالصالحين تزال الشبهة. Ils disent que tous ces versets que vous citez, on est d'accord, mais c'est ceux qui adorent les statues. Mahoum, ils disent, on demande à un wali, فقط الشفاعة لماذا لأن الله إدام. La réponse, Mahi, تفضل. أحسنت نرد عليهم أن هذا باطل لماذا لأن العبادة سيحق لله عز وجل وحده on a pas le droit d'adorer autre qu'Allah لماذا لأن العبادة c'est réservé au خالق سبحانه كما تقدم معنا كثيرا on doit adorer que le créateur أما la créature on n'a pas le droit même si elle a un rang élevé عند الله notre prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم أفضل البشر سيد ولد آدم أجمعين عليه الصلاة والسلام malgré cela on n'a pas besoin de l'adorer بل on doit le suivre et on l'aime في الله سبحانه وتعالى ça nous montre أن العبادة سحق لله وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا et هذا c'est clair donc cette شبهة هذه باطلة كذلك في القرآن شيخ الفوزان حفظه الله بل المؤلف رحمه الله إلى cité des versets في كشف الشبهات pour montrer que certains ils ont adoré les anges, certains ils ont adoré Isa ibn Maryam, certains ils ont adoré les salihin, et مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم il a fait aucune différence. Est-ce que le Nabi صلى الله عليه وسلم قال ceux qui adorent des statues c'est des kuffars, il les a combattus et ceux qui adorent Isa ibn Maryam, qui adorent les anges, qui adorent des hommes pieux, c'est pas des kuffars, il les a pas combattus. Abada. Il a fait aucune différence عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن المشرك أخو المشرك لا aucune différence لماذا لأن les deux ils sont d'accord dans quoi ils sont d'accord dans الشرك هذا il adore un avis هذا il adore une statue les deux ils ont adoré autre qu'Allah فهي aucune différence et on précise مع هذا العلماء quand ils citent هذا ils disent pas que عيسى بن مريم مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام il est comme une statue في الفضل أبدا C'est incomparable. Une statue qui est faite en pierre, c'est minal jamadat. C'est quelque chose d'inanimé, qui n'a pas de fadl. Une pierre, un caillou, un arbre. C'est incomparable avec un nabi. Et nous, on reconnaît la valeur de ces awliya. Lakin, cet amour, ça nous pousse, iyadam billah, à l'exagération, et on les adore. C'est exactement tariqatu al-mushrikin. Pourquoi ils ont adoré l'at? C'est qui l'at? Hala taqaddam ma'ana fi kitab tawhid, hein? رجل صالح كيس كيل فزا كيس كيل فزا كم عمل صالح تقدم معنا في كتاب التوحيد ها حين الوقت الحج وقت الحج كيس كيل فزا نعم يلد الحجاج يلد الحجاج اللي اخذنا عبوا غامنجي إلى آخر اللات إلي مور كيس كيزون فايزون Ils ont construit sur sa tombe, Hatta c'est devenu une idole. Tu'bad min dounillah. Ah, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Même les idoles de Quraysh en général, c'est des idoles qui représentent des hommes pieux, des anges, il a akhri. Et c'est Shaitan qui les a poussés à adorer Hadha. Ha'oula, al-mushrikoun à notre époque, ils ne connaissent pas dire l'islam. الحقيقة. Ils ne savent pas c'est quoi le tawhid et l'ibada et la base de notre religion. Et qu'est-ce qu'ils ne connaissent pas l'égarement des premiers mouchriquins. Enfin, ils pensent qu'ils sont à l'abri du shirk des premières générations et ils pensent qu'ils ont compris l'islam. Et الحقيقة, ils ignorent les deux et ils se sont écartés. C'est pour ça que tu les trouves. Ils disent Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, contrairement aux mouchriquins à l'époque du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ignorent la tariqa de leur salaf. Et كذلك, avec leur shahada, ils ne sont pas rentrés dans l'islam. انظر هؤلاء. C'est pour ça que Cheikh al-Islam, rahimahullah, في القاعدة الأربعة, il a démontré que les mouchriquins زماننا, ils sont aval. Ils se sont égarés encore plus que les premiers. عيادا بالله. لأن الأولين كانوا يعبدون الله في الشدة ويشركون في الرخاء. quand ils étaient en difficulté, ils adoraient Allah سبحانه وتعالى. المشركون الأولون. et tu trouves ceux de cette époque, حتى dans la difficulté, ils font du shirk. بل dans la difficulté, ils font encore pire. ils adorent autre qu'Allah encore plus. عيادا بالله. يا سيدي فلان يا سيدي فلان. ils invoquent الأولياء من دون الله. وهذا إن شاء الله سيأتي تقدم معنا كثيرا. الشبهة الثالثة نرجعون متن فإن قال الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن لا وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه أي الكفار يريدون منهم أي من الأصنام الكفار يريدون منهم أي من الأصنام أي الكفار ils espèrent que c'est la statue qui va lui donner ou qui va l'épargner. هكذا يبخطون. قال وأنا فسأل بعض المشرك أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه والصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعته. هذا تقدم معنا في الحقيقة. لكن إلا سيتي هنا ثالثة شبهة. لماذا؟ لأن ça revient souvent et c'est très très important. Et ce point, on doit le maîtriser. قال الجواب. Donc, avant la réponse, le résumé de la Shubha, أنهم disent, المشركون à notre époque, et يقولون, نحن, on sait que ce صالح, سيدي فلان, cet homme pieux, on sait qu'il ne donne rien. Et on sait qu'il ne peut pas nous guider, il a akhiri. Et on sait que c'est une créature. لكن, l'intercession, on lui demande pour qu'il demande à Allah, سبحانه وتعالى, فقط. Et في الحقيقة, celui qui connaît Hal al-Soufiyya, al-Dullal, al-Khurafiyyun, et qui connaît Hal al-Rawafid, al-Anjas, al-Mushrikin, celui qui connaît la situation et la croyance de ces deux sectes à notre époque, يعتقدون في الأموات. Ils ont une croyance, le mort, le wali, c'est lui qui donne. Et bel ba'dhum, ils ont une croyance, le wali, c'est lui qui crée, et c'est lui qui guide. Et c'est lui qui gère هذا الكون عيادا بالله. Ça nous montre ماذا? أن l'égarement c'est étape après étape. انظر حال المشركين à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام et انظر حال الخرافيين à notre époque. Tu trouveras qu'ils sont encore plus égarés. لماذا? لأن الشر s'emmène du شر. L'égarement s'emmène à notre égarement. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. Ils diront Allah à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام. Tu trouves un mille al-Rawafid, ils disent que c'est Ali qui a créé هذا الكون. Ils disent que c'est Fatima radiallahu anha qui a fait telle chose. Ils leur donnent des caractéristiques de Rabb Azza wa Jalla. Ils les ont pris en tant que Rabb. Même pas. Tu parles même plus d'intermédiaire عندهم. هكذا الكفر والشرك. Et le bid'a c'est la même chose. Al-bid'a c'est la même chose. Ça s'aggrave. حتى الإنسان عيادا بالله يسقع très très loin فالحذر الحذر les péchés كذلك les péchés si on ne fait pas attention un péché va emmener un autre ثم un autre il emmène un autre et le cœur il durcit et la foi elle descend et هذا الإنسان ça devient une proie facile d'Iblis عيادا بالله. Donc الشبهة elle est claire. La réponse فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء وقر عليه قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وقوله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. C'est exactement la même parole. Ils disent هم أن نحن les prend en tant qu'intermédiaire. On sait que Allah c'est le créateur. Et هذا tu l'entends عند بعض العوام. Quand il lui dit أفلان اتق الله. Pourquoi tu sacrifies pour telle mort? Pourquoi tu vas visiter sa tombe et tu lui demandes? Ah ouais, il te dit, mais nous, on est des musulmans, on sait très bien que c'est Allah le créateur et la akhir. Exactement la même chose. Pourquoi il fait tout cela pour un cheval? C'est exactement comme al-mushrikun al-awwalun, qui était à l'époque du prophète alayhi salatu salam, et il a cité les deux versets qui se répètent souvent. Huna wa lillahi alhamd. قال واعلم ان هذه الشبهه الثلاثه هي اكبر ما عندهم فاذا عرفت ان الله وضحها في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها ايسر منها. Donc ces trois choubah, كما قال المؤلف رحمه الله, c'est اكبر ما عندهم. Tous leurs arguments se reposent sur ces trois ambiguïtés. Comprends la choubha avant de comprendre la réponse. احيانا نحن se précipite et on veut la réfutation et on n'a pas saisi complètement la choubha. Là, comprends bien leur choubha. Quand tu as compris le regardement, tu lis la réfutation du savant et tu comprendras, incha'Allah ta'ala. قال الشيخ الفوزان حفظه الله ذكر الشيخ رحمه الله في هذا أو هذا تقدم. On passe directement à la troisième choubha. On a lu la première, la deuxième. نعم الشبهة الثالثة إذا سلم بأن الدعاء لغير الله شرك ولكنه قال أنا لا أدعو النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره وهذا الذي أفعله ليس دعاء وإنما هو طلب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وهل تنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. انظر على تلاعب. فهم يقولون أن ست invocation, cette demande, c'est pas une ibada. L'ibada, les anahum, ils prétendent et ils argumentent en disant que ils savent que le créateur c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils disent que cette demande, c'est pas une adoration. قال الشيخ الفوزان حفظه الله فإنك حينئذ تدخل معه في خصومة أخرى وشبهة أخرى وهي أنه سمى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به طلبا للشفاعة ولم يسمه دعاء ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة فأنا أطلب منه الشفاعة التي أعطيها. انظروا cette شبهة. Eux ils disent que النبي صلى الله عليه وسلم il va faire شفاعة. Et ça c'est حق. النبي صلى الله عليه وسلم il fera شفاعة يوم القيامة. فهم ils disent نحن on demande une chose que النبي صلى الله عليه وسلم il a. Pourquoi on demande au prophète عليه الصلاة والسلام لأنه il a un جاء عند الله et nous on a des péchés et on revient aux deux شبهة précédentes. قال فتقول له كيف تقول له انا لا انكر الشفاعه. Ça c'est important. ان si tu parles avec هؤلاء, et on répète, on doit pas polémiquer مع هؤلاء, لكن ça peut arriver avec certains de nos proches, des parents ou des oncles ou des tantes ou des frères من العوام, et qui pensent que هؤلاء الصوفية ils sont à la حق, et ils pensent que le fait de demander الشفاعه c'est pas du shirk. Anta, tu insistes bien sur deux choses. Tu insistes bien que le sunnah, on aime l'awliya. Et en fait, c'est nous qui suivons l'awliya. Qui suivons, walillahi alhamd, l'anbiya, wal-rusul, wal-sahaba, wal-ulama, ila akhiri. Tu lui montres que ha'oula, ils ont de l'importance à indana. Les malades, les anna, al-bardi se précipitent, ils ont un mauvais uslub, et tu trouves le ami, pense qu'on n'aime pas l'awliya. Là, tu lui montres anna l'awliya, ils ont une manzila azima indana. Ils ont des hukouk, ils ont des droits. Et tu lui montres leurs droits, on doit les aimer. S'ils ont le haq, on doit les suivre. On doit les secourir. Celui qui ne les aime pas, on l'écarte. Il a akhir. كذلك, tu lui montres أن الشفاعه لا ننكرها. Et tu lui montres qu'on espère la shafa'a. Et tu lui montres بإذن الله عز وجل أن أهل السنة, c'est les gens qui profiteront le plus de shafa'a يوم القيامة. لماذا؟ لأنهم سأتبع أفضل الأنبياء عليه الصلاة والسلام. Tu lui montres la shafa'a, nous on l'espère, ben on la demande. Tu lui dis, anta, tu la demandes à un mort, ana, je la demande à celui qui a créé ce mort. Enfin, qui c'est qui va espérer le plus sa réponse? Ana ou anta? Ana, je la demande à Allah. Est-ce que tu as des doutes? Il va te dire là. Enfin, anta, tu la demandes à une créature qui ne peut rien te donner, qui ne t'entend même pas. Et ana, je la demande à Allah, al-Sami' al-Alim, al-Rahim, azza wa jal. Tu lui montres bien ces deux points, al-Awliya wa al-Shafa'a. Tu me montres Allah comme il fait lui, c'est pas acceptable. Et le haqiqa, il fait que s'égarer. Et cette shafa'a qu'il espère tant, s'il meurt comme cela et il écoute pas le haq, il l'aura jamais. قال فنقول له انا لا انكر فتقول له انا لا انكر الشفاعه واقر ان الشفاعه ان شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم حق وانه شافع مشفع انا لا انكر هذا. لماذا؟ لأن يدل التكست كلاه أن النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ الشفاعة، وأن الملائكة يفرغ الشفاعة، وأن المؤمنون يفرغ الشفاعة، وأن certains enfants يفرغ الشفاعة pour leurs parents، وهكذا. Donc لا ننكر هذا. نحن نرفض quoi؟ La façon de demander l'intercession cette شفاعة. قال ولكن الشفاعة تطلب من ولكن الشفاعة لا تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت، وإنما تطلب من الله، لأن الشفاعة ملك لله عز وجل. قال الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. تأمل سبيخسي ذك الشفاعة ألا لله سمين ملك الله على appartient الله سبحانه وتعالى. Et Allah, il la donne à qui il veut. C'est exactement comme la guider. C'est exactement comme la guérison. Tout ça, c'est min mulkillah. Allah, il le donne à qui il veut. Donc, en tant que mu'minoun, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui possède cette chafa'a. Pourquoi la demander à quelqu'un qui ne possède rien? C'est comme si wahed l'an, il va et il demande la guérison à un être humain. Guéris-moi. Il demande à un mort. Est-ce que le mort, il peut le guérir? Ah oui, demande à un être humain de faire revivre un de ses proches, de le ressusciter. Est-ce qu'il pourra? Peut-être. Demander une chose à un makhlouk qui ne peut pas, c'est du shirk. فَقَالَ عَزَّ وَجَلْ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تأمل ce verset. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Aïe, Allah subhanahu wa ta'ala, il possède tout ce qu'il y a dans les cieux et sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala, il possède shafa'a et il la donne à qui il veut. فلهذا la demander à un nabi ou min babi awla à autre qu'un nabi, c'est الحقيقة, ça contredit notre din. لماذا؟ لأن on n'a pas le droit de demander cette shafa'a à quelqu'un qui ne la possède pas. Et si tu reviens au verset, لأن Cheikh Al-Fawzan rahimahullah, il a cité que la fin. Si tu reviens au début, au verset précédent, قال عز وجل في سورة الزمر أم اتخذوا من دون الله شفعاء. انظر الله سبحانه وتعالى يسمع، الله سبحانه وتعالى يسد حال هؤلاء. أم اتخذوا من دون الله شفعاء، أي اسكي دمون لا شفعاء أترك الله سبحانه وتعالى. قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل أولو كانوا لا يملكون شيئا، أي اسكي دمون لا شفعاء أترك الله. ثم الله عز وجل قال لهم من سي هؤلاء يبوسن غيان لا يملكون شيئا ولا يعقلون. فسنرد على هؤلاء. فنحن الآن on pose la question à هؤلاء qui demandent الشفاعه au mort. Est-ce que ce mort il possède quelque chose lui-même? Vous vous rappelez, أن المشركين eux-mêmes ils disent que on sait que Allah il possède tout, on sait que Allah c'est le créateur. فالله il possède الشفاعه. Pourquoi tu la demandes à autre? Et on répète نحن pourquoi هؤلاء ils ne demandent pas الشفاعه à Allah سبحانه وتعالى. C'est عجيب هذا الحقيقة. On صلى الله عليه وسلم. Normalement, il demanderait « Ya Allah, Ya Rabb, shafi'vina nabiyak yawm al-qiyamah. » Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur répondra yawm al-qiyamah, ils seront à la khayr. Lakin, yadam billah al-hawa. Qala al-Sheikh al-Fawzan, « Fajami'u anwa'i shafa'ati mulkun lillah, wa madamat mulkan lillah, fa innaha la tutlab illa mimman yamlikuha, wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala. » Vu qu'on est d'accord l'an, « Anna shafa'ata » c'est l'Illah, min mulki Allah azza wa jal. Tu n'as pas le droit de demander cette shafa'a à autre que Allah azza wa jal. Fi dunya, la wahid. Maintenant, tu as une voiture. C'est la tienne, tu as fait des efforts pour l'avoir. Le wahid, il a besoin de sa voiture et il va, il la demande à un autre. Il ne demande pas à toi. Maintenant, il va voir un autre et il dit j'ai besoin de cette voiture. Thomas, il vient te voir, il te dit c'est bon. Foulan, il m'a donné l'accord, je vais prendre la voiture. Est-ce que wahid, il va accepter hein? Ça rentre pas fil l'aql. Là, tu as besoin de la voiture, demande à son propriétaire. Ondura haula isuvaha. Al-shafa'a, c'est un mulk lillah, il la demande à un makhlouk. Et ça va encore plus loin, fil haqiqa. Ce makhlouk, si c'est un nabi, le nabi lui-même, toute sa vie, il a appelé au tawhid. Et il a mis en garde contre ceux qui demandent al-shafa'a à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ondura. C'est pour ça que ce nabi, yawm al-qiyama, il se désavouera de haula. لكن فسن montre ان المشرك لا دين ولا عقل فلهذا لا تغتروا بالمشركين même si ils prétendent انهم ils sont على شيء ils sont sur rien du tout. Ils se basent sur les rêves, sur le hawa. Et ils suivent le shaitan, et leur principal objectif, c'est l'argent. Ah là, c'est hal al mushrikin. لا تظن أنهم يسون حول شيء أبدا لأن القرآن واضح كثير منهم يبغى الحق يتدخل بعض العوام مساكين يغتروا بهؤلاء لأنهم يpensent que c'est ça الحق هؤلاء on essaye de leur montrer بإذن الله عز وجل أما الرؤوس فأكثرهم يزنب الحق قال وأيضا الشفاعة لا تنفع كل أحد وإنما تنفع أهل التوحيد وأنت لست من أهل التوحيد لأنك تدعو غير الله. Et ça, c'est un deuxième point, il est très important. أن الشفاعة. Il y a deux étapes في الحقيقة. أولا, il faut la demander d'Allah. C'est Allah qui la donne à qui il veut, il autorise qui il veut. ثانيا, il faut voir la personne, est-ce qu'elle mérite cette شفاعة. C'est pas tout le monde. مثلا, un mushrik, il fait du shirk. مثلا, un yahoudi, un juif, un chrétien. C'est des mushrikoun. Et un jour, il fait un dua sincère, il demande à Allah un shafa'a. Même s'il a demandé à Allah, jamais il recevra shafa'a. Obligé qu'il délaisse le shirk. Il adore que Allah, il fait tawba. Thumma, il fera partie de ceux qui pourront recevoir le shafa'a yawm al-qiyama. Qala, wa aydan, al-shafa'atu la tanfa'a kulla ahadin wa innama tanfa'a ahl al-tawhidi wa anta lasta min ahl al-tawhid li annaka tad'u ghayr Allah. Al-shafa'atu laha shartan. Deux conditions pour pouvoir profiter de Shafa'a Yawm al-Qiyam. Et ce chapitre, on l'a étudié en détail, Walillahi al-Hamd, fi kitab al-Tawhid, et كذلك, on l'a étudié fi al-Qawaid al-Arba'a. Aïe, une qaïda sur al-Shafa'a, et on avait cité هذه الشروط. قال الشرط الأول أن تطلب من الله سبحانه وتعالى ولا تطلب من غيره. Première condition, أن هذه الشفاعة il faut demander qu'à Allah subhanahu. Limada, l'anna Allah c'est lui qui la possède. Fa limada la demander à un autre. Et كذلك le fait de demander à un autre c'est du shirk. Ad-du'a, faire un du'a, demander à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est du shirk. Donc la première condition, tutlab min Allah azza wa jalla. Fi al-haqiqa al-mu'min qui n'est pas malade du cœur ou son cœur, il est pas mort, il a aucun mal à hada. Haqiqa hawla ils ont du kibr. Mais Allah, pourquoi ne pas la demander? Pourquoi ne pas demander à Allah subhanahu wa ta'ala? C'est quoi qui nous empêcherait? Illa shaitan il hawa. Illa fal mu'min walillahi alhamd. Yafrah wa yataqarrab ila Allah subhanahu wa ta'ala avec cette demande. Et il invoque, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala cette shafa'a. Première condition donc, al-ikhlas. An tutlab min Allah azza wa jal wahda. Deuxième condition, al-shartu al-thani an yakoun al-mashfou' vihi min ahli al-tawhid. La min ahli al-shirk wal-kufr. Deuxième condition, la celui qui va recevoir cette shafa'a, il faut que ça soit un musulman mouahid. Amma al-mushrik fa abda. Ceux qui adorent les tombes, ceux qui adorent Isa ibn Maryam alayhi salatu salam, ceux qui adorent les anges, ceux qui adorent des pierres, ceux qui adorent shaitan, ceux qui adorent des sorciers, ila akhiri, ha'oula, ils n'ont aucune part dans shafa'a. Donc ces deux conditions, la demander qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et deuxième condition, faire partie des musulmans, al-muwahidin, ceux qui ne font pas de shirk. Qala, wa ad-dalil ala ash-shart al-awwal, qawluhu ta'ala, wa la yashfa'una illa liman irtada, wa huwa la yarda illa an ahli at-tawhid. Naam, kana hadha c'est le deuxième shart. Wa la tutlab min ghayrihi, naam, kana hu ila inversé. Vous avez hakada? Naam. Sahl. L'essentiel c'est de comprendre هذه الشروط. Même si c'est pas dans l'ordre, l'amr sahl. قال ولا يشفعون إلا لمن يرضى وهو لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. Ça nous montre, ce verset il est clair, أن الشفاعة c'est que pour ceux qui sont agréés عند الله سبحانه وتعالى. أي ceux que Allah aime, les musulmans, les mouahidin. Ça nous montre أن المشرك الله سبحانه وتعالى لا يرضى عنه. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ Allah, il n'accepte pas le kufr pour ses ibadats. Donc, لابد من التوحيد. قال والدليل على الشرط الثاني قوله مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ فهذا, ça nous montre أن on doit demander qu'à Allah. لماذا? لأن pas de shafa'a que si Allah donne l'autorisation. يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع Et Allah subhanahu wa ta'ala donnera هذا الإذن, cette autorisation au prophète Muhammad عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. قال لا الملائكة ولا الرسل ولا الأولياء ولا الصالحون لا أحد يشفع عند الله إلا بعد أن يأذن الله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. Ce verset, il a rassemblé les deux choses. قوله إلا من بعد أن يأذن الله. Ça c'est l'idn. Fala tutlab illa min Allah. Allah subhanahu wa ta'ala il donne l'autorisation à qui il veut. Et qawluhu liman yasha'u wa yarda. Et ceux qui recevront hadhihi shafa'a, c'est ceux que Allah subhanahu wa ta'ala il veut. Et bien sûr, al-muslimun al-muwahidun. Qala fala tutlab al-shafa'a min al-makhluq al-mayyit wa innama tutlab al-shafa'a min Allah. Fataqul Allahumma shafi' fi nabiyyak la tatlubuha min al-amwat. Sahih. Donc tu demandes هذه الشفاعه, tu demandes à Allah. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala limadha li'anna c'est lui qui la possède et c'est lui qui donne, il la donne à qui il veut. Tu demandes là au Malik azza wa jall. قال وهذا الذي تقول انه طلب للشفاعه هو الذي كفر الله به المشركين. Aïe, qawluhu, wa hadha alladhi taqul, hadha c'est la parole du mushrik. Aïe, cette prétention du mushrik, annahum, ils font pas de shirk, ils adorent pas des statues, ils demandent que shafa'a. Cette demande de shafa'a, c'est exactement le shirk que les premiers ils ont fait. Aïe, à l'époque du prophète, alayhi sallallahu alayhi sallam, al-mushrikoun. Qawluhu, wa hadha alladhi taqul, innahu talabun li shafa'a, huwa alladhi kaffarallahu bihi al-mushrikin. فإن المشركين حينما لجئوا إلى الأولياء والصالحين وإلى الملائكة وإلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة كفرهم الله بذلك فقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. Donc هذا الفعل, cette demande de shafa'a, comme a taqaddam ma'ana, awlan Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a appelé ibadah. Wa ya'buduna min dunillah. Et vous vous rappelez, kathir min ha'oula al-mushrikin, ils disent, nahnu, on n'adore pas autre qu'Allah, on n'a pas fait un sujoud, on n'a pas fait. Ma'a anna ba'dahum, l'an, ils font sujoud devant les morts, yadam billah. Lakin, al-ba'd, ils disent, anna, nous, on ne les adore pas. C'est qu'une demande d'intercession. Allah azza wa jal, qal, wa ya'buduna min dunillah. Ils adorent autre qu'Allah. Qala, ويقولون leur شبهة هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Donc le fait de demander شفعاء autre qu'Allah, c'est adorer autre qu'Allah. بنص الآية هؤلاء disent أن ça c'est قول الوهابية, ça c'est قول المتشددين, ceux qui exagèrent, les wahhabites, il a appelé les suiveurs de Ibn Abd al-Wahhab, les suiveurs d'Ibn Taymiyyah, les suiveurs d'Ibn Hanbal. بعضهم يسون هكذا يزاكوز كأن شيخ الإسلام رحمه الله يلومني quelque chose de nouveau alors que تأملوا son كلام et كلام الشيخ الفوزان حفظه الله علماء السنة أنهم يستدوا des versets du Coran الكريم. C'est pas nous qui avons inventé cela, أبداً. C'est cité dans le Coran. Votre demande de shafa'a au mort, c'est adorer autre qu'Allah. Et là va expliquer ce verset. Et ils ne pourront pas, ils vont mentir, ils vont déformer, il a fait. Après avoir démontré, montré à Azzawajal, un homme, ils adorent autre qu'Allah, à la fin du verset, Azzawajal a cité le hukm. Et c'est quoi l'état de Ha'oula? Est-ce que c'est des musulmans ou des mushrikoun? Qala Azzawajal, subhanahu wa ta'ala, amma yushrikoun. Et ce qu'ils font, c'est du shirk. Et le verset, il est clair. Allez, là, ce verset, apprenez-le. Il est muhim. Avec l'autre verset, min ayat. من سورة الزمر إلى مهم. لماذا؟ لأن vous avez remarqué que المؤلف والشارح رحمهم الله ils se sont basés sur ces deux versets كثيرا pour répondre aux trois choubah. Et vous vous rappelez que les trois choubah c'est la base de leurs ambiguïtés. Tout ce qui viendra à partir du prochain dars inshallah, vous verrez que ça sera des explications, des approfondissements de ces trois choubah. Et là, ça reviendra toujours à ces trois choubah. Parce que si tu as compris les trois ambiguïtés, tu as compris les réponses en te basant sur le délit, il y en a, il faut un délit, min al-Qur'an ou min al-Sunnah, فإن شاء الله تسقى على خير في هذا الباب. قال الشيخ الفوزان: فهذا الذي تقوله هو الذي كفر الله به المشركين، وهو عبادة الأولياء والصالحين طلبا لشفاعتهم. Exactement comme ils ont fait al-Nasara, comme ils ont fait al-Yahoud, comme ils ont fait Kuffar Quraysh. Et iyadan billah, leur égarement, حتى الآن انظر حال النصارى. أنهم يبخطنت كعيسى سلفز الله عز وجل. انظر اليهود. انظر الروافض. الروافض, ils ont exagéré sur Ali. Wallahi, بعضهم, ils ont dépassé اليهود والنصارى dans l'exagération. الصوفية كذلك, ils ont exagéré في الأولياء. Et on avait lu, ma Bardel Ikhwan, des paroles de Ru'us al-Soufiyya dans leur livre sur le Karamat al-Awliya ila akhiri, que ce soit de Sha'rani ou autre, mais al-Soufiyya. On avait lu à l'époque, dans l'étude de l'Qa'il al-Arba, on avait lu leurs paroles, et Ayyadan Billah, tu lis et tu as honte de lire. L'égarement, il dépasse l'égarement de l'Yahoud ou al-Nasara. Et Inch'Allah, à l'occasion, on essaiera de trouver un moment pour lire, relire Kalam Ha'oula pour démontrer anna kathir min Ha'oula ibn al-Haq. Et kathir min Ha'oula, on parle de leur guide, leur chouyour, c'est des anadika. C'est des anadika, ils font apparaître l'islam et ils n'ont rien à voir avec l'islam. Ayyadan billah. Naktafi bihad al-Qadr. Et le prochain dars, on commencera. إن شاء الله la quatrième shubha. Donc aujourd'hui on a pris la shubha numéro 2 et la shubha numéro 3. نكتفي بهذا et notre prochain درس بإذن الله عز وجل mardi à la même heure. أحياكم الله.